Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Pompéi, la vie sous la cendre, une série de Perrine Kervran réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a une fascination, il faut bien l'avouer, pour ces villes ensevelies devenues rêves d'archéologues, des nouvelles découvertes et surtout le mystère d'un quotidien proche et lointain, vécu il y a 1940 années par des gens comme toi et moi. Alors pour commencer, les personnages. Un archéologue sur le terrain, une archéologue de la peinture, une autre qui nuance, une qui ausculte le bâti, un autre l'artisanat, une archéologue du théâtre et un anthropologue au chevet des morts. Ensuite le décor. Un mur d'enceinte, des fresques, un port, des balles de fronde, la passeggiata, la douceur, des graffitis, la colonisation, le théâtre, une nécropole, une pâtisserie et une pizzeria. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive en ville. Nous sommes passés ici, nous des copains à la vie et à la mort. C'est pour Vatia que votent les voleurs. Élisez, s'il vous plaît, Marcus Serinius Vatia Comédile. Tous ceux qui boivent la nuit le demandent. Que la Vénus de Pompéi dirige sa colère contre celui qui dégradera son... Serena en a assez, d'Isidorus. Restitus a souvent trompé bien des filles. Crève, crève, crève. Antiochus a passé un moment ici avec sa Vénus chérie. Chien, attention à toi. Je prie Vénus a été pour ici que tu avec Isis, mais il a fait chaud. Si tu fais quand même, que Jupiter te maudisse. Histoire d'une petite ville ordinaire. Successus le Tisserand aime une servante de Coponia. Elle s'appelle Iris et elle s'en fout de lui. Je suis émerveillé, ô mue, que tu ne sois pas encore tombé sous le poids des niaiseries dont on t'a recouvert. Quand on reste quelques jours à Pompéi, on voit ce qu'on ne prend jamais le temps de voir. La grande place devant l'église, la petite fête foraine derrière les ruines, la promenade entre la pâtisserie Vivo et la Piazza Bartolo, et la rue principale remplie le samedi soir de scooters, voitures, autoradios à fond, adolescents en goguette, couples d'amoureux, familles attablées en terrasse, et même des chiens errants qui se traînent sur cette Via Roma qui longe le parc archéologique autour duquel toute la ville est organisée. Il y a 8 portes pour entrer dans la Pompéi antique. Marina, Nocera, Stabi, Herculanum, Vésuve, Capoue, Sarno et Nola. On est entré, un matin, tôt, par la porte de Nocera. On a descendu une pente douce pour atteindre le niveau des ruines. On était presque seuls. À l'extérieur, dans la ville moderne au-dessus de nos têtes, les taxis n'avaient pas commencé leur journée, les bus n'étaient pas encore arrivés, et nous, à l'ombre des cyprès, on cherchait les remparts les plus anciens de Pompéi. Vous avez au premier plan, je ne sais pas si vous le distinguez, vous avez une pierre plus grise avec une ligne de bloc seulement qui apparaît. Cette ligne de bloc, on appelle ça du tuf de Papamonte, ça c'est la muraille du VIe siècle. William Van Andringa, archéologue. Et vous avez derrière la muraille datée au moins de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. De l'époque samnite. Nous sommes ici à l'embouchure du Sarno. La Sarno est une rivière dans l'Antiquité importante. Strabon nous dit que c'est un axe économique vers l'intérieur. Et donc on n'est pas surpris de noter qu'on recoupe des occupations depuis le néolithique, de l'âge du bronze, également de l'âge du fer. Le site est occupé depuis très longtemps. Ce qui se passe au tournant du 7e et du 6e siècle, c'est qu'on fonde une ville. Et le marqueur de cette fondation urbaine, c'est la muraille, qui délimite justement, le premier espace urbanisé. Et là, on a des traces très nettes qui sont encore visibles aujourd'hui de cette première muraille. C'est bien un marqueur fort de la fondation d'une ville. Les marqueurs, il y en a plusieurs, de cette fondation urbaine. C'est moins l'habitat qui a laissé peu de traces, mais c'est plutôt les sanctuaires, les temples. On fonde des lieux de culte qui sont bien datés, justement, de la première moitié les plus anciens. Le temple d'Athéna, c'est un temple grec. est bien daté de la première moitié du VIe siècle. Le temple d'Apollon est aussi un lieu de culte qui existe. Alors sous quelle forme, on ne sait pas trop, parce que la forme que le temple que l'on visite aujourd'hui, c'est une évolution tardive du temple. Le lieu de culte tel qu'il se présentait au VIe siècle est difficile à restituer. Mais en tout cas, il y a un lieu de culte consacré à un dieu important de la région, qui est Apollon. En revanche, on discute toujours de savoir qui prend l'initiative dans la fondation urbaine. Mais c'est très certainement quelqu'un qui a le pouvoir sur cette partie de la Campanie et qui a besoin d'un point d'ancrage pour contrôler justement l'estuaire du Sarno. Et l'influence étrusque est très présente dans les premiers temps de la ville. Également l'influence grecque, et là on peut penser au temple d'Athéna, autrement dit une divinité grecque. Donc je crois qu'on a là les deux pouvoirs forts qui accompagnent la création urbaine et les premiers temps de l'évolution urbaine du 6e et du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'était une population qui on a encore du mal à identifier. Il y a beaucoup d'hypothèses. En général, ils parlent une langue qui est l'osque. Sandra Zanella, archéologue. C'est, on pourrait dire, une population italique, donc qui fait partie de toutes ces populations qui habitent la Campanie à ces moments, donc avant l'arrivée des Romains, et qui ont donc une langue spécifique qui s'écrit avec un alphabet qu'on connaît parce que nous avons trouvé des inscriptions dans la ville qui nous permet de retrouver, disons, de reconstituer cette langue. La particularité de Pompéi, c'est justement qu'elle se trouve un peu à la croisée des différents peuples. Justement, il y a déjà la colonisation grecque qui a déjà implanté des villes sur la baie de Naples, des étrusques également, parce qu'on sait qu'il y a des villes étrusques pas loin de Pompéi, et des populations qu'on appelle les Samnites, qui, eux, sont des populations qu'on appelle justement italiques. Et donc, on pourrait parler de Pompéi comme effectivement un endroit dans lequel se croisent différents peuples, mais qui reflètent de l'influence de toutes ces différentes cultures qui gravitent autour de la baie de Naples à ce moment. Est-ce qu'on peut parler d'une ville multiculturelle ? Multiculturelle, oui, dans le sens que Pompéi est un port, donc c'est une ville qui, comme toute ville portuaire, accueille des gens venant d'endroits différents. Donc, de ce point de vue, oui, tout à fait. On a une frénésie urbaine, au moins quelque chose qui se passe au IIe siècle avant Jésus-Christ, très fort, c'est-à-dire on a une urbanisation dont on a vraiment très bien documenté lorsqu'on fouille, c'est-à-dire qu'on a des quartiers entiers qui sont bâtis à partir du 3e mais surtout au 2e siècle avant Jésus-Christ. On est là dans une période de boom économique qui est là aussi bien documentée. C'est une cité alliée de Rome depuis la conquête de la Campanie par Rome. Et ces gens-là se romanisent. Et on a des traces de cette romanisation où ils adoptent des institutions très voisines de celles de Rome et des monuments qui correspondent à ça, c'est-à-dire qu'on a une basilique romaine qui est construite au IIe siècle avant Jésus-Christ. On a également le Macellum qui est un marché public et tout ça est aménagé avant même la fondation de la colonie. Et alors, est-ce qu'on peut relier peut-être à Hercule le nom de Pompéi ? Alors ça, c'est une histoire intéressante parce que Hercule est passé un petit peu partout. Il est un dieu fondateur de beaucoup de cités. Mais il a donné son nom déjà à la ville d'Herculanum. Ça fait partie du patrimoine local, c'est-à-dire ces jeux d'appropriation de la grande mythologie méditerranéenne. C'est-à-dire qu'on fait passer Hercule chez soi pour donner du prestige à la cité et puis pour fabriquer son origine. On est obligé de fabriquer une origine. Donc la cité aurait été fondée par Hercule lorsqu'il revient. Il a tué Gérion, donc il revient, puis il fonde, en passant évidemment, il fonde Pompéi. Le terme de Pompéi dérive de la pompa d'Hercule, c'est-à-dire de la procession des bœufs de Gérion amenée par Hercule. C'est une fabrique mythologique des origines de la cité, comme on le faisait. C'est comme ça qu'on écrivait l'histoire, une partie de l'histoire des cités, par l'entremise des dieux. Thank you. Donc là, on a longé la rue des balcons. Et donc, on est rentré dans une maison. Et là, on est au milieu de cette maison, dans l'atrium. Autour de nous, il y a une dizaine de pièces qui sont distribuées. Et elles sont toutes couvertes de fresques qui imitent des pavements de marbre, une architecture avec des moulures. Francesco Muscolino, vous pouvez nous parler justement de la découverte de cette maison dans la région 5? La casa di Giove era stata scavata solo in minima parte alla fine dell'Ottocento. La maison de Jupiter avait été fouillée à la fin du 19e siècle, au moment où on fouillait la maison voisine des Noces d'Argent. Et en revanche, tout le reste de la maison de Jupiter a été fouillé durant notre campagne de fouilles de la région 5. Les habitants de cette maison étaient certainement plutôt riches. La maison a été construite au IIe siècle avant notre ère, donc bien avant l'éruption du Vésuve. Et la famille qui vivait dedans était d'une classe moyenne plutôt riche. Ce qui est très intéressant dans cette maison, c'est que dans l'atrium et d'autres pièces, la décoration en premier style est très bien conservée. Cette décoration dite de premier style est une décoration qui reproduit le marbre avec l'utilisation de stucs. Alix Barbet, archéologue. Alors le premier style, on n'en a pas encore parlé, et c'est ce qui précède et qui vient en fait de l'influence grecque. Ce sont les Grecs qui ont inventé un système pour représenter des parois avec du stuc en relief qui représentait des colonnes, des pilastres, des blocs d'appareils, et donc les Pompéiens et les Romains du IIe siècle avant Jésus-Christ ont copié et ont fait cette architecture en relief, en quelque sorte, quelquefois avec de la couleur, imitée des Grecs. Curieusement, les propriétaires tenaient à garder leur premier style parce que c'était l'image de l'ancienneté de leur famille. Comme aujourd'hui, on aime garder dans les vieilles maisons de famille ou dans les vieux appartements les signes de l'ancienneté, un vieux parquet, voilà. Parce qu'on est dans un appartement haussmannien et qu'on veut qu'on s'en souvienne. Voilà, et on parle même de mos maiorum, de se rattacher aux ancêtres. Effectivement, on peut imaginer qu'il y ait une volonté d'être un peu vintage de la part du propriétaire, même si dans d'autres pièces, il y a eu des grands travaux avant l'éruption et que la décoration a été entièrement refaite. Alors Alix Barbel, comment est-ce que ça fonctionnait? Il y avait des ateliers d'artisans, des ateliers d'artistes, ils étaient connus, pas connus, ils avaient pignon sur rue, comment ça marchait tout? Alors, ça c'était des artisans complètement anonyme. Si, il y en a un qui est rigolo, il a marqué Lucius Pinxit. Lucius a peint une peinture qui n'a pas un grand intérêt dans une des maisons de Pompéi. Bon, donc, c'est un art pour nous, alors que pour eux, c'est de l'artisanat. C'était souvent des ateliers itinérants. Et d'ailleurs, on a un bas-relief qui provient de France à Sens, où on a une équipe au travail. Alors, il y a celui qui est en train de préparer le décor, qui consulte un volumen, il est assis sur les escaliers. Il y en a un qui est en train de préparer le mortier, en bas. Il y en a un autre, monté sur l'échafaudage, qui est en train d'étaler la chaux proprement. Et puis, il y a le peintre, qui, lui, est habillé avec dignité, habillé chaudement d'ailleurs, alors que les autres ont des tuniques courtes, et qui est en train justement de commencer à peindre à partir du haut vers le bas. Et ça, paraît évident qu'ils étaient nombreux, puisqu'il fallait aller vite, étant donné que la chaux séchait très vite et qu'on n'avait que quelques heures pour faire le décor. Les amants, à l'instar des abeilles, exigent une vie sucrée comme le miel. Tu es peut-être jaloux, mais ne t'attaque pas à quelqu'un de plus beau, un homme bien plus courageux et charmant. J'ai de la peine d'avoir appris que tu étais mort. Alors adieu. Opus, sale bouffon de voleur, espèce de furon. Crève, crève, crève. Marcus Vicinius s'en va la veille des nonnes de juillet sous le consulat d'Afrénus et d'Africanus. Francesco Muscolino, vous nous indiquez, là, on est en train de sortir de la maison de Jupiter et on passe devant justement l'entrée de cette maison peinte en noir. Il y a des dessins qui sont gravés. Oui, effectivement, ici à l'entrée, nous avons des dessins. Ici, on se rend compte qu'on a un visage et à côté, nous avons également la représentation très schématisée d'un gladiateur. On voit son casque. Et puis, il y a également des inscriptions, comme par exemple Sabinus, un nom très commun dans la ville de Pompéi. Et au-dessus de cette inscription, il y a une autre inscription qui a été griffonnée, qui est peut-être une inscription offensive, comme il y en avait souvent à l'entrée des maisons. Elles étaient donc faites par les gens qui passaient dans la rue et qui très rapidement marquaient ces gros mots à l'entrée des maisons. Que celui qui s'assoit ici lise d'abord ça. Prérarius, tu es un voleur. Que celui qui a envie de faire l'amour demande à tisser. Tu es peut-être jaloux. Épaphras, t'as pas de poils. Mais ne t'attaque pas à quelqu'un. C'est pour Vatia que votent les voleurs. Un homme bien plus courageux et charmant. Élisez l'édile Camps Julius Polybius. Il apporte avec lui du bon pain. Je vous demande d'élire Pansa comme édile. Il a de la valeur. Bien du malheur pour Rarus. I want to know. Vorrei sapere. I want to know. Vorrei sapere. Vorrei sapere. I want to know. Vorrei sapere. I want to know. Come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi inscatolati come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know, I want to know, I want to know. Comme toutes les petites villes de la région, on doit faire avec les alliances, les rivalités, la puissance de Rome, et du coup parfois aussi avec la guerre, comme celle que Sylla mène contre les Italiques de Campanie en 89 avant Jésus-Christ. On a trouvé une balle de fronde d'ailleurs, et c'est une balle de fronde qui peut être en relation avec le siège de Sylla. Et c'est une belle balle de fronde qui est en plomb. Oui, parce qu'il y avait des traces d'impact de boulets aussi. Oui, on les voit très bien sur la muraille nord. On voit les impacts sur la muraille et puis et dans la région 6, justement, qui est attenante donc à la muraille nord. Il y a des trouvailles depuis le 18e siècle de boulets et de balles de fronde aussi, des traces du siège. En fait, il s'agit, donc, comme les noms disent, d'une guerre des Socci, donc ces populations alliées de Rome, désirent à un moment être reconnues, avoir la citoyenneté, notamment romaine. Et Rome refusait, donc c'est dans cet contraste qu'est née cette guerre donc entre les Socci et Rome. Et donc Pompéi était dans les champs qui voulaient, disons, pouvoir rentrer de manière indépendante à l'intérieur de Rome. Et donc Pompéi subit un siège de la part des Sylla, donc des troupes des Sylla. Donc la population à l'intérieur de la ville essaie de résister à cette attaque. Et en ça, l'archéologie nous a livré des témoignages assez surprenants, comme des inscriptions qu'on peut lire le long des façades des bâtiments, qui indiquaient aux troupes de la Pompéi pré-romaine, de la Pompéi italique, où se déplaçaient à l'intérieur de la ville pour rejoindre des postations de défense sur les murailles. Et donc, c'est un moment très dramatique pour la ville même, puisque la ville tombera et donc deviendra, elle, romaine, sera absorbée par Rome. Et donc, d'un point de vue aussi social, la classe politique dominante, donc italique, sera pour un moment mise de côté. On voit vraiment arriver des Romains, des citoyens romains à l'intérieur de la ville. Et seulement plus tard, peut-être une génération après, on verra à nouveau les Italiques, les grandes familles pompéiennes italiques qui reviennent au pouvoir. Pompéi sera renouvelée. Il y aura des édifices qui sont bâtis, qui sont typiquement romains, comme l'amphithéâtre. Mais il n'y a pas un trauma si fort qu'il pourrait y avoir dans d'autres territoires. En raison, très probablement, de cette, être très proche de la culture romaine qui est déjà Pompéi a développé pendant les siècles dans lesquels elle a côtoyé, participé à la politique romaine, de quelque manière. Donc là, on a longé la muraille de la ville par cette route qui borde la nécropole. On arrive devant une des portes de Pompéi. Quelle est cette porte, William Van Andringa ? Alors c'est l'une des portes urbaines, c'est la porte dite de Nocéram, c'est le nom moderne qui a été donné lorsqu'elle a été découverte. C'est l'accès à la route de Nocera qui file vers le port qui se trouve un peu plus loin, donc à la porte de Stabi. Pompéi a cet avantage d'être presque entièrement dégagée. On a une ville dont on peut saisir l'organisation. Certaines rues, vous avez des ornières qui sont visibles. D'autres rues, vous n'avez pas d'ornières tout simplement parce que les chars ou les chariots n'y vont pas. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a dans les trottoirs, vous avez des trous qui ont été creusés qui servent à attacher les ânes, tout simplement. Donc, on utilise beaucoup les ânes pour le transport intra-urbain. Et là, on se trouve devant des écuries, justement. Donc, on venait stationner. C'est un parking extra-urbain, si vous voulez. Vous avez un bassin et des stalles, en fait, comme une étable, pour garer les mules, en quelque sorte. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout cela est organisé. Quand on fouille à Pompéi, quand on travaille à Pompéi comme archéologue, est-ce qu'on arrive encore à percevoir l'importance de la mer, cette importance de la mer à Pompéi ? Pompéi est une sorte d'éperon rocheux, donc il fallait quand même descendre. Il y avait un système presque de falaises qui faisait qu'il fallait descendre par des terrasses successives. Mais tout à fait, on pouvait tout à fait s'y rendre. C'était 2 km environ pour aller jusqu'au bord de l'eau. Hélène de Salles, archéologue. Alors dans les grandes maisons de l'élite pompéienne, on l'aperçoit. Et ces maisons-là font entrer la mer par leurs fenêtres, par leurs vues. Et ça, on le perçoit très bien dans la villa de Diomène, qui a une grande salle de réception qui fait près de 100 mètres carrés, construite face à la mer, encadrée de 2 terrasses latérales et qui surplombe un jardin suspendu face à la mer. Felicità, et tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Alors quand on imagine justement cette ville dans son ensemble, est-ce que c'est une ville où il y a des quartiers plus populaires, des quartiers réservés plutôt aux classes les plus aisées ? C'est une ville que l'on doit percevoir, alors pas forcément avec nos systèmes hiérarchiques modernes en termes de quartiers riches, quartiers pauvres, il y a eu plusieurs études sur ces points-là, c'est-à-dire qu'on peut trouver à la fois dans un même quartier, des grandes maisons aristocratiques sur 3000 m² et juste à côté, des habitats beaucoup plus étroits avec un réservé à l'artisanat. Donc on a généralement une grande maison aristocratique et autour de ce personnage principal se développe tout son système d'habitat, de maisons plus ou moins petites, autour de ce noyau central. La société romaine fonctionne par un système de clientèle, donc c'est ainsi qu'il faut plutôt penser la ville en fait, avec des points qui crée des attractions autour, avec aussi des oppositions sociales, mais il n'y a pas d'opposition en termes de quartier. Alors nous sommes dans la rue de l'Abondance, qui est l'artère principale de la ville. On a beaucoup d'affiches électorales. Chaque année, on élit les magistrats pour l'année, et que donc tout ça donne lieu à des programmes électoraux qui sont affichés sur les murs. Et il nous en reste quelques morceaux de ces parois, on en a une en face. Donc un enduit blanc sur lequel distingue des peintures rouges en capitale, très grandes, parfois plus petites. Marcus Claudius Primio était ici. Votez pour Caius. C'est pour Vatia que votre colère. C'était ici le 4 des nonnes d'avril. Élisez les îles Caius Primius, chargé de l'entretien des bâtiments culturels et publics. D'accord. Avec quel fusil, Stalinus ? Vote pour lui. 20 paires de gladiateurs et leurs doublures. C'est comme nous calons au départ. Salut, l'avant-veille et la veille des nonnes d'octobre. Je m'en délire pas avec une chasse et un parsoleil. Donc vous voyez qu'il y a toute une série d'événements et on a également des combats de gladiateurs qui sont annoncés par voie d'affiche. Les affiches étant des inscriptions peintes sur les murs qui sont effacées régulièrement avec du lait chaud qui permet de réécrire ensuite par-dessus. Lorsqu'on regarde les corpus d'inscriptions, on a des gens qui signalent qu'ils interviennent la nuit, donc qui viennent peindre la nuit tout simplement pour être tranquille et pour pouvoir écrire en toute tranquillité sans la cohue de la vie quotidienne. Alors il faut savoir que la peinture murale revêtait toutes les parois, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons. Alors non seulement les parois, mais les plafonds et les voûtes étaient peints. Donc on vivait dans la couleur, y compris les sols, qui quelquefois étaient des mosaïques en noir et blanc, mais qui étaient aussi quelquefois avec des décors scènes figurées qui étaient polychromes. Même les colonnes, une partie de la colonne était peinte en rouge en partie basse et blanche au-dessus. Mais les commerçants mettaient leur publicité à l'extérieur de leur maison. Donc on vivait dans la couleur. Alors on va ressortir de cette petite pièce pour aller voir les fresques qui sont voisines du jardin. On traverse l'atrium, on franchit un seuil. Dans cette grande pièce entièrement décorée qui ouvre sur le portique et donc qui donnait vue sur le jardin, il s'agit sans doute ici du triclinium, la pièce où on venait déguster, où on venait prendre les repas. Nous avons différentes représentations. Sur chaque milieu de paroi, nous avons une scène principale. Sur la paroi du fond, nous avons Vénus et Eros en train de pêcher. Et enfin, à gauche, au centre de la paroi, nous avons Héraclès et une figure féminine qui est debout à côté de lui. Allora, Royal Pizzeria e Ristorante presenta i suoi prodotti. Arancini, croquet, calzoni, rollé, panuozzi, ripieni al forno, marinara, la pizza più antica e semplice, fatta solo con origano e aglio, la pizza a portafoglio, calzoni fritti. Il calzone fritto è la pizza fritta, è una delle cose caratteristiche della città. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. On a beaucoup de scènes de séduction dramatique avec des divinités diverses et variées qui commencent dans les années 20-30 après Jésus-Christ. On est vers la fin du troisième style où on commence à avoir des grands tableaux mythologiques au centre des parois. C'est le début d'énormes tableaux qu'on voit dans toutes les maisons. Et on a l'édit du maximum, c'était le maximum des prix du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui nous donne les prix. Alors on sait que le Pictor Parietarius, le peintre de parois, était payé 50 deniers par jour. Alors que le Pictor Imaginarius, celui qui faisait les imagines, c'est-à-dire les images, les représentations, lui, il était payé 150 deniers par jour. Ça reste des artisans, ce ne sont pas des artistes, mais il n'empêche qu'il y a une différence de la façon de payer les gens. Alors j'ai fait exprès de vous montrer autre chose que Pompéi. Et là nous sommes à Bosco Reale, tout près de Pompéi, dans la villa de Publius Fannius Sinistor, un grand personnage du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et alors là, nous avons une peinture qui représente en trompe-l'œil une architecture magnifique, avec des colonnes en marbre, d'autres en albâtre, qui scandent la paroi, avec au centre une porte fermée. Et au-dessus, un petit amour monté sur une suspension. Et on peut penser que c'est le temple de Vénus qui était représenté. Donc, on est devant un décor de grande ampleur. Et il est évident que ceux qui sont riches, comme ce fameux Publius Fannius Sinistor, a pris le peintre le plus extraordinaire qu'il pouvait trouver. Donc là, on a une qualité qu'on n'a pas forcément à Pompéi. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces talents à Pompéi ? Est-ce que parce que Pompéi était une petite ville ? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de familles riches ? C'est une ville de qualité moyenne, hein, 12 000 habitants à peu près, alors que dès qu'on a affaire à une villa d'un personnage important, évidemment, le décor est tout à fait différent. C'est vrai qu'il suffit de, d'aller au musée de Castello di Baia, par exemple, où on présente les œuvres d'art ou les découvertes faites à Pouzzole ou à Cum. Il suffit d'aller au musée de Naples, voir ce que l'on trouve à Naples. Et lorsqu'on compare les œuvres d'art de Pompéi, même si celles-ci sont très connues, même si les photos des œuvres d'art, des peintures pompéiennes sont exposées dans tous les livres de latin et livres d'histoire, mais il faut se rendre à l'évidence, on a quand même ici un saut de qualité entre les grandes maisons patriciennes de Pouzzole et de Cum et les maisons pompéiennes. Tout simplement parce que c'est une ville moyenne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas moins intéressante. C'est effectivement une ville de taille moyenne. Vous savez qu'il y a deux grands ordres d'État romain, les chevaliers et les sénateurs. Dans des grandes villes voisines de Naples, même à Herculanum, on a un sénateur. Hein. Mais en tout cas, à Pompéi, on n'a pas de sénateur. On a des chevaliers, mais de relativement modestes. On cultive essentiellement la vigne, on fait de l'huile d'olive. Donc on a ici une petite production locale avec des élites de rang modeste. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas moins intéressante. Je pense que le conseil municipal devait être composé d'une trentaine de personnes, une cinquantaine de personnes maximum. On se rend compte que tout le monde se connaît ici. Les structures sociales sont plus lisibles que dans des grandes villes comme Rome, par exemple. On voit très bien les rapports entre affranchis et patrons, on voit très bien les rapports entre l'élite et la population. Enfin, on voit très bien ces choses-là. C'est l'intérêt de travailler sur une société qui est une petite société locale et pas... une grande ville où ces éléments sont noyés, en fait. Les éléments de compréhension sont noyés dans la masse. Alors oui, Pompéi est une petite ville ordinaire. Mais c'est un site archéologique unique, un rêve d'archéologue. Au point que sur les 66 hectares de la ville sainte de Muraille, 22 sont encore sous les pierres ponces et la cendre, réservé pour les archéologues du futur qui, avec les avancées scientifiques, pourront peut-être, un jour, révolutionner ce qu'on sait de la ville. Alors là, justement, Francesco Muscolino, on est devant une sorte de comptoir dont les façades sont peintes, ornées de fresques. Donc sur l'une, on voit une déesse qui est assise à la fois sur un trône ou sur un cheval. Je ne vois pas bien, il y a des poissons autour d'elle. Les couleurs sont... très vive. Là, on a un jaune qui est vraiment très intense, le corps de la déesse qui est rose, nacré, qui comme ça ressort vraiment de la fresque, et puis des bleus très profonds, des verts aussi. On a l'impression que c'est la mer, le ciel. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'était cet endroit ? Donc là, nous nous trouvons à un carrefour de deux rues, la rue des Noces d'Argent et la rue des Balcons, qui a entièrement été dégagée durant nos travaux de la région 5. Derrière nous, il y a une fontaine, et à l'angle de ce carrefour, il y avait ce thermopolio. La scène que nous voyons devant sur le comptoir représente une Néréide, une divinité marine, qui se trouve sur un cheval marin. Elle tient une lyre, et puis autour on peut voir également des poissons. Et à gauche, on voit une autre scène qui représente une scène de la vie quotidienne et qui représente justement un comptoir avec des objets et des amphores. Et c'est très intéressant puisque quand nous avons retrouvé cet endroit, ce comptoir, il y avait effectivement aussi des amphores qui s'appuyaient sur le véritable comptoir. Baba al rum. Babalrum farcito con frutti di bosco, scaglie di cioccolato fondente, valrhona al 61%, babà con crema e amarene speciali, cannolo siciliano con pistacchio di Bronte, cassata siciliana, delizia al limone, crema bagnata al limoncello, cioccolato. Questo è il batuffo, il dolce tipico farcito con una mousse alla ricotta di pecora. Sette veglie al cioccolato, tre cioccolati. Quella gialla è il sole con vaniglia e limone. C'è la gianduia, babà, cannoli, cassata. C'è anche la versione a cannolo farcita con crema pasticcera o ricotta di pecora siciliana. La pastiera napoletana, il dolce più buono che c'è in circolazione. Commençons par tordre le cou au thermopolium. Le thermopolium serait effectivement une espèce de fast-food de l'Antiquité. Nicolas Montex, archéologue. Déjà, le terme en lui-même est une absurdité sans nom. C'est un jeu de mots qui a été mal compris. Plaute a fait une blague au IIe siècle avant notre ère. Plus personne après n'a compris cette blague, plus personne n'a jamais réutilisé le mot qu'il avait forgé à ce moment-là. Donc, oublions le thermopolium. Le thermopolium n'existe pas, sauf dans le théâtre, chez Plaute. Ça, c'est fait. Malgré tout, il y a 159 commerces alimentaires à Pompéi qui sont en fait répartis en gros entre 4 ou 5 variétés d'offres. C'est-à-dire que certains d'entre eux vendaient seulement des denrées en vrac, contenues dans ces espèces de comptoirs maçonnés dans lesquels il y a des dolias, donc des grandes jarres qui sont prises dedans. Donc là, a priori, ils vendaient en vrac très vraisemblablement beaucoup de céréales. Et donc l'essentiel de la population devait vraisemblablement manger des espèces de bouillies à base soit de céréales, orge, blé, et dans les quelques listes que l'on a de produits justement dans ces caoponés, qui serait le seul terme latin valable pour les commerces alimentaires, on retrouve de temps en temps, mais finalement très peu, la mention de portions de viande. Sinon l'essentiel, ce sera la mention de fromage, de pain, un peu de viande, et puis de temps en temps quelques mentions dispersées de céréales. Donc en fait, l'idée qu'il y a autour de ces commerces alimentaires, c'est que donc une partie d'entre eux vendaient simplement les denrées à préparer, donc ensuite les gens allaient les préparer chez eux. Alors d'autres étaient déjà des bars, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils ne vendaient absolument rien de solide, mais simplement vendaient du vin contenu en amphore. Ils avaient de quoi le faire chauffer, puisqu'on consommait plutôt le vin additionné d'eau et éventuellement tiède. Et enfin, un troisième groupe de ces commerces alimentaires sont véritablement les restaurants proprement dits, dont certains permettant de manger sur place, donc sur des lits maçonnés, tandis que les autres permettaient de manger simplement comme ça sur le pouce, devant le comptoir. Donc, alors, mais là encore, il faut supposer plutôt une grosse consommation de bouillie. Margherita, volete? Sur le forum de Pompéi, à l'ouest de la ville, face au Vésuve, sur cette grande place bordée de temples et de bâtiments officiels dont il ne reste que quelques blocs, portiques et colonnes, on pouvait aussi acheter à manger, au marché couvert. Mais aujourd'hui, on y croise des groupes de tous les pays qui suivent les guides polyglottes et amateurs de bons mots, bouteille d'eau dans une main, plan dans l'autre et perche à selfie en option. Alors là, on se trouve devant sur la place publique. Alors, il est près de midi et il y a un monde fou. Et ce qui est assez intéressant, parce que c'est le forum à l'époque romaine, c'est le centre de la vie civique. C'est un lieu extrêmement fréquenté. On a même des peintures qui montrent que sous les portiques sont installés des étals de marché et d'autres types d'activités. Et aujourd'hui, finalement, le regroupement des touristes à midi finalement rappelle un peu l'ambiance du forum telle qu'elle devait se présenter donc à l'époque romaine. Alors c'est le centre de la vie civique dans le sens où on trouve dans l'axe de la place le temple principal de la ville qui s'appelle le Capitole, parce qu'il abrite les trois divinités capitolines de Rome et qu'il est un des marqueurs de la fondation de la colonie. Jupiter est le dieu principal, il est au centre de la composition, Minerve et puis Junon, voilà les trois grands dieux qui sont installés. Et en effet, à l'opposé, on trouve une série de trois grands bâtiments, dont sans doute accueillaient le conseil municipal et les archives publiques. On a cette confrontation intéressante des grands dieux capitolins romains et puis du siège de la curie municipale, le siège du conseil municipal local, à une époque où la ville est devenue complètement romaine puisqu'elle est colonie. Tout ça est structuré, on est dans l'axe du volcan, du Vésuve, et il y a sans doute ici un choix clair qui est fait, hein. C'est que on sait que Jupiter patronne en effet le sommet du Vésuve, hein. C'est le dieu des sommets, Jupiter. On imagine ici que le choix de mettre Jupiter dans l'axe du Vésuve est un choix qui est volontaire. Et sur tout le côté oriental, on a des temples qui sont aménagés ou des espaces qui sont aménagés à partir de l'époque augustéenne. Donc on voit bien ici que cet espace-là est marqué par les relations avec un pouvoir qui a changé, qui est un pouvoir désormais qui est commandé par l'empereur. Et là, vous avez des peintures qui ornaient une maison qui représentait ce qui se passait dans le forum. On voit les gens en train de faire du commerce, mais on voit aussi des écoliers en train d'apprendre à écrire, et il y en a un qui a fait des bêtises et qu'on est en train de flageller. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Alors on en a même une où on voit les statues des grands personnages à cheval, et puis devant ce qu'on appelle l'album, du mot alba, blanc en latin, où on peignait les inscriptions, les renseignements utile pour la population, et on voit des gens qui sont en train de lire ce qui est marqué sur cet album. Une forme d'affichage municipal. C'est un affichage municipal. Alors après, on remettait du blanc et on réécrivait ce qu'il fallait dire. Sur le forum, on trouve le marché public. On y vendait des choses particulières, et notamment, on y vendait sans doute la viande des sacrifices publics. Et ce qu'on recherche, j'imagine, l'été, c'est l'ombre, et puis l'hiver, c'est d'être abrité de la pluie. Donc on imagine que tous les portiques du forum étaient utilisés pour toutes ces activités publiques. Le forum, c'est pas seulement le centre de la vie publique. On y fait des spectacles, on y donne des spectacles. On a par exemple une inscription de l'époque augustéenne qui indique que, en l'honneur de son duumvirat, c'est-à-dire de son accession à la magistrature suprême de la cité, eh bien, un personnage a offert des spectacles et qu'il donne non pas à l'amphithéâtre ou dans un autre édifice public, mais au forum. Et en effet, lorsqu'on regarde les entrées du forum, on remarque d'abord que la circulation est coupée, c'est-à-dire qu'on n'accède pas en charrette sur le forum, que tous les accès sont barrés. Et ensuite, en regardant sur le sol, on voit qu'il y a des encoches qui permettaient de fermer le forum entièrement, et notamment pour ces spectacles qui étaient donnés sur la partie centrale. Et justement, ces spectacles, le personnage qui nous donne quelques précisions, il fait donner des spectacles qui font intervenir des taureaux, justement. On demande même s'il n'y a pas des clowns ou des pantomimes qui interviennent sur le forum. Là, on voit qu'il y a là des spectacles de rue, en fait. La vie est rythmée de spectacles qui sont donnés de manière régulière par les élites locales, hein, par les gens qui ont les moyens de payer. Les combats de gladiateurs sont des spectacles qui sont très prisés, puisqu'on trouve beaucoup de graffitis qui montrent les gladiateurs victorieux, qui deviennent en quelque sorte des sortes de héros locaux. 20 paires de gladiateurs et leurs doublures combattront à Cum. Calende d'octobre. Il y aura des crucifiés, l'avant-chasse, la veille des chasses d'octobre et un parsoleil. Alors dans le monde grec, déjà, qui a inventé le théâtre était associé à des cérémonies religieuses très fortement. Et dans le monde romain, c'est le cas encore. Les spectacles ont lieu dans le cadre de cérémonies qu'on appelle les ludi, les jeux. Héloïse Letellier, archéologue. Qui sont associés à des célébrations religieuses pour tel ou tel dieu. Donc le lien entre les temples qui accueillent certaines parties des cérémonies et les édifices de spectacles est très important. On a un lien fonctionnel topographique très étroit entre le grand théâtre et plusieurs sanctuaires. Et puis on a les traces de circulation qui pouvaient être aménagées entre ces différentes zones. Par exemple, il y a un grand escalier monumental qui a dû avoir une importance forte au moment de sa conception, qui relie le forum triangulaire qui est en haut avec les zones basses du théâtre en contrebas, et qui permettait d'organiser sans doute des déplacements de type procession. Et ces processions, donc empruntées lors des fêtes religieuses ou lors des grands combats de gladiateurs, elles empruntent essentiellement la rue de l'Abondance, cette rue qui relie le forum à l'amphithéâtre, autrement dit les deux pôles importants de l'espace public de la ville. Et là, vous évoquez des processions, William van Andriga. Pour quelles raisons on organisait des processions? Par exemple, la grande déesse de la ville, c'est Vénus. Elle s'appelle même Vénus Pompéienne, Vénus Pompéienne. Donc elle est la grande déesse, et on sait que lors des fêtes de Vénus, on a les corporations, les gens de métier qui s'organisent justement en association, participent à des processions. C'est une ville où déjà les combats de gladiateurs, on en a de manière régulière, même si ces combats coûtent très cher. Et donc, on a également des processions qui sont là aussi célébrées, ou des fêtes religieuses qui sont célébrées régulièrement dans les principaux sanctuaires publics de la cité, c'est-à-dire, je crois, une douzaine de divinités publiques qui devaient structurer toutes ces fêtes religieuses. Alors, il y avait des acteurs qui étaient fameux, et on a quelques témoignages pour ça à Pompéi, d'acteurs dont on a conservé les portraits en statue, par exemple, dans le temple d'Isis. Donc c'était le cas aussi pour certains acteurs, mais par exemple dans les graffitis, c'est surtout les noms de gladiateurs qui reviennent, gladiateurs victorieux ou gladiateurs qui se vantent d'être le soupir de ces dames. Donc est-ce que c'était les gladiateurs eux-mêmes qui se vantaient, ou des personnes qui rappelaient cette passion du public pour les gladiateurs? Mais on a aussi quelques témoignages pour des acteurs qui étaient généralement itinérants, c'est-à-dire qu'ils se donnaient en spectacle dans plusieurs villes du monde romain. D'une porte à l'autre, on a traversé la ville de Pompéi. Et une fois hors des remparts, si on emprunte la route bordée de cyprès, de buissons aux fleurs jaunes et de talus herbeux qui les longent, on croise des monuments de pierre, des tours, des portiques, des colonnes, dans un paysage terriblement romantique. C'est la nécropole qu'ont fouillée William van Andriga et son équipe, et la façon dont on enterre les morts dit beaucoup des liens sociaux, affectifs et familiaux qui avaient cours dans cette petite ville. On le voit très bien, on est donc sur cette route qui est la route de Nocera à Pompéi, donc qui est en bordure de la ville. Et cette route, elle est donc de part et d'autre flanquée de monuments funéraires. Donc c'était comme ça que se présentaient les nécropoles romaines. À l'époque romaine, c'est parce que la mort est conçue différemment. Ce qui compte n'est pas l'enterrement d'un individu, mais ce qui compte, c'est la présentation sociale des familles et qui passe par justement des monuments qui s'appellent des monumenta en latin, monumentum. C'est quelque chose qui garantit la mémoire d'une lignée familiale et à travers les porteurs de la lignée familiale, puisque ce sont eux qui sont présentés sur les dédicaces. Il y a deux façons de mourir à l'époque romaine, en quelque sorte. Il y a une façon sociale de mourir, qui respecte l'ordre donc, de la cité, et cette façon sociale, elle est rendue par la publicité que donnent ces monuments. C'est pour ça que ces monuments sont alignés le long de la route. Ils sont tournés vers un endroit de passage. C'est une route très empruntée. Ah oui, c'est la route qui file vers la grande cité de l'intérieur qui est Nocera. Et cette fréquentation, elle est un paramètre très important pour l'installation des tombeaux parce que c'est justement, il y a la visibilité sociale qui est garantie par le passage, par la route en quelque sorte. En revanche, l'autre façon de mourir, c'est de se faire enterrer, en l'occurrence ici puisque les morts sont brûlés, c'est d'enterrer les ossements brûlés du mort et dans une sépulture. Et ça se fait donc à l'intérieur des enclos ou à l'intérieur des monuments funéraires. Dans le monde grec et dans le monde romain, d'une manière générale, il n'est pas possible d'avoir des morts à l'intérieur de l'espace habité. La règle générale veut que les morts soient exclus. Henri Dudet, archéologue. Les nécropoles donc sont en fait organisées le long des voies qui quittent la cité. Et donc, ce sur quoi nous travaillons, c'est la nécropole de Porta Nocera. Et souvent, vous voyez les stèles, vous voyez des inscriptions, vous savez qui a fait faire ce monument. En général, on vous dit que la personne a fait faire ce monument pour elle-même et pour les siens. Vous voyez la grande variété des tombeaux, c'est assez prenant. C'est que c'est une façon de se distinguer du voisin, en quelque sorte. Toutes les architectures vraiment extrêmement variées. Et ça, c'est quelque chose qui surprend souvent parce que la maison romaine, par exemple, respecte un plan canonique, même si ce plan subit évidemment des transformations, des variations, mais on retrouve toujours les parties habituelles avec l'atrium, avec le tablinum, avec le portique. Donc c'est vraiment les tombeaux se distinguent par la variété de leur architecture. C'est la monumentalité garantissant évidemment la pérennité de la mémoire en fait sociale. C'est ça qui est recherché. Le monument, c'est évidemment, il y a une forme de présentation. Les gens veulent paraître. Hein. Et puis il y a un espace qui délimite l'enclos avec des murs, et on va avoir des tombes aussi en dehors du monument dans cet espace. Bon. Alors on va se diriger vers votre chantier de fouilles qui est donc à l'autre bout de cette route. Qui est un peu plus loin sur la route. On est à 200 mètres, 150 mètres, 200 mètres des portes de la ville. On est là dans une autre ambiance funéraire. On n'a pas de très grands monuments. On a des monuments funéraires qui appartiennent essentiellement à des familles d'affranchis. Donc on travaille dans un contexte social qui est différent de celui sur lequel on travaillait auparavant. Donc ça nous donne d'autres perspectives de questionnement que nous faisons. Alors là, on est donc au-dessus de ce site que vous fouillez. Il y a combien de monuments funéraires le long de cette petite portion de route ? Alors, il y a environ une quinzaine de lots funéraires ou de monuments funéraires. On travaille sur une petite dizaine d'entre eux seulement. L'intérêt de travailler sur plusieurs lots funéraires, c'est de pouvoir comparer les choses d'une famille à l'autre et d'une période à l'autre, même si on travaille sur le temps très court, puisqu'on travaille sur 3-4 générations à peine. Ce qui est très peu, mais on peut au moins travailler sur les évolutions des coutumes funéraires, des rites funéraires pratiqués. On se rend compte que, eh bien, on a des stratégies familiales, des histoires familiales qui sont extrêmement diverses d'un lot à l'autre, parce que ces lots funéraires nous racontent aussi des histoires familiales qui ne sont pas stéréotypées, puisqu'on n'a pas de famille nucléaire comme au sens moderne du terme. Hein, ce sont des familles élargies et avec des recompositions familiales qui sont très très fréquentes par le biais de l'affranchissement des esclaves, justement. Et ce qui explique pourquoi ici, eh bien, on a les autorités publiques décident d'ouvrir un nouveau secteur de nécropole, profitent de la restructuration de la route et offrir de nouveaux lots funéraires. Et on voit que grâce aux dédicaces des monuments et des enclos, que les familles qui s'installent, ce sont essentiellement des familles d'affranchis, autrement dit des esclaves qui viennent d'être libérés. Et l'une des premières choses qu'ils font, eh bien, c'est qu'ils présentent leur nouveau statut, leur statut et leur liberté, eh bien, en créant un lot funéraire à leur nom. Qui peut être vu de tous. Qui peut être vu de tous, voilà. Et donc la libération est ainsi, elle est affichée publiquement grâce aux enclos et aux monuments funéraires. C'est la publicité que permettent les tombeaux. Alors là, vous êtes devant un enclos qui fait 3 mètres sur 6 et dans lequel on a pu fouiller une quinzaine de sépultures, 16 exactement. On a un enclos avec une façade architecturée qui porte la dédicace du monument. C'est comme ça qu'on voyait les choses lorsqu'on a commencé la fouille. Le monument indique que l'enclos en question a été installé par une affranchie, c'est-à-dire une esclave libérée, l'ancienne esclave d'un certain Quintus. L'affranchie s'appelle Verania Clara. Elle aménage le monument pour c'est ce qu'elle indique sur la dédicace, pour son patron, pour elle et pour les siens. Et son patron s'appelle Caius Veranius Rufus. Donc, il s'agit de piété familiale, très bien. À l'intérieur, vous ne voyez plus rien puisque tout a été fouillé. On avait un alignement de 7 stèles. Et parmi ces 7 stèles, 5 étaient un épigraphe et 2 portaient un nom. Les noms étaient Caius Veranius et Verania Clara. Et les deux tombes étaient l'une à côté de l'autre. Et on a pu fouiller toutes ces sépultures et mieux comprendre l'histoire, en fait, qui est beaucoup plus complexe. Il semblerait, vu la proximité des deux tombes, que Verania Clara était avec Caius Veranius Rufus, c'est-à-dire que les deux personnages étaient ensemble. Quand vous dites qu'ils sont ensemble, vous dites qu'ils sont ensemble comme un couple ou ensemble ? Voilà, comme un couple, oui, oui. Là, en l'occurrence, les deux tombes ont le même aspect, c'est-à-dire la même stèle en marbre qui porte également une épitaphe. Elles sont regroupées toutes les deux. On voit bien qu'il y a la volonté de les rapprocher dans la mort, avec une dédicace qui, finalement, publicise ou montre, eh bien, aux passants, à tout le monde, eh bien, que la famille des Verani a été restructurée et désormais portée par l'ancien esclave du papa, en quelque sorte. Ce type de questionnement nous permet tout simplement de travailler sur la famille romaine, également sur la grande fluidité des relations sociales au sein du cercle familial, qui n'est pas soumis aux mêmes rigidités que l'ordre public. C'est ça qui est très intéressant. Les marquages de surface, les marquages mémoriels, les gestes mémoriels, en fait, renvoient à... on a un reflet des liens affectifs, ou des liens tout court, au sein de la famille, et non pas quelque chose qui a un rapport au statut social. C'est de l'anthropologie qu'on fait, grosso modo, puisqu'on travaille sur les relations humaines et comment, finalement, des relations personnelles peuvent transcender les plus rigides des sociétés. C'est quand même très intéressant. Prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Merci à Alix Barbet, Hélène De Salle, Henri Dudet, Héloïse Letellier, Nicolas Montex, Francesco Muscolino, William Van Andringa et Sandra Zanella. Merci aussi à Marella Brunetto et à Vincent Charpentier et à Dorothée Nem du Centre Jean Bérard de Naples qui assurait la traduction. Prise de son Laurent Macchetti, mixage Guillaume Ledu, Pompéi, des vies sous la cendre, histoire d'une petite ville ordinaire. Un documentaire de Perrine Carbran réalisé par Tiffy Mariani. LSD, pour aujourd'hui c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en compagnie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, une éruption gigantesque et meurtrière. Et en attendant, restez à l'écoute. Quattro non l'abbandonare, ti mancherà, e la sera cercherà tra le braccia tue tutte le promesse, tutte le speranze per un mondo d'amore.